Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ces thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. Chez Dolbo Auto, on célèbre le temps des fêtes en grand avec le Silverado 1500 à 0% sur 72 mois et un rabais de 7000 $ en valeur totale. Le Sierra 2019 à 0% sur 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel de chez Dolbo Auto souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne année à toute la population et vous invite à la prudence pendant cette période. Dolbo Auto, 1770 boulevard Wahlberg, Dolbo Mistassini, 418-276-0580. Section du club de golf de Chibougamau-Chaparay, son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. Comment? Exigène souhaite joyeux Noël et bonne année à sa clientèle et vous remercie pour la confiance témoignée pendant la dernière année. Dolbo Exigène se spécialise depuis 1936 dans la fabrication d'équipements industriels. Dolbo Exigène, situé au 303 8e avenue Dolbo Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0555 ou encore sur notre site web au www.do2.ca. Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbo Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercie de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbo Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. On va parler de golf avec notre ami Serge Cloutier. Salut Serge. Bonjour Danny, comment vas-tu? Ça va bien Serge. L'année 2019 au golf, c'est Tiger, hein? Ben c'est Tiger, ben surtout Tiger, parce qu'il y a eu d'autres très bons exploits, mais le retour de Tiger, c'est exceptionnel. Ouais. Exceptionnel parce que, soyons honnêtes, là, on n'aurait jamais pensé il y a 2, 3, 4 ans que Tiger reviendrait aussi fort et aussi bon et remporter le Masters, le fameux veston vert. Voyons donc, on se disait, il ne gagnera plus de tournoi majeur, puis même là, il n'en gagnera plus de tournoi. Ben il en gagne encore, puis il a gagné le Masters, puis il était capitaine de la Coupe du Président il y a une semaine. Alors, ce gars-là, là, c'est quand on parle d'un athlète dans une discipline sportive, c'est un des grands noms du sport, il n'y a pas de doute. Ah non, puis tu sais, je veux dire, c'était quelque chose de très, très... écoute, c'était... Puis la PGA, vraiment, avec le retour de Tiger, il faut être honnête, eux autres, ils sont bien contents de ça, là. Ben c'est lui qui a fait monter les bourses. D'abord, il attire tellement de monde. Okay. Quand Tiger est là, il y a beaucoup plus... La télévision est omniprésente, les commanditaires, le monde sur les terrains... Tu sais, il y a un charisme, ce gars-là, qui est difficile à expliquer encore aujourd'hui. Mais quand on parle de grands dans l'histoire, les Nicklaus, les Palmer, c'est Tiger, là, c'est extraordinaire. C'est incroyable. Le US Open, ça a été la victoire de Gary Woodland. Oui, mais ça, tu sais, il y a eu des joueurs, il y a tellement de bons joueurs sur le circuit maintenant. C'est pour ça qu'on avait des doutes sur le retour de Tiger, parce qu'on disait... Il y a des jeunes qui poussent, qui ont 21, 22, 23 ans, là. Ils ne seront plus capables de rivaliser avec eux autres. Mais là, on arrive avec Woodland, on arrive avec Brooks Koepka, on arrive avec Justin Thomas, on arrive avec tous ces gars-là, Shoffley. Tu sais, c'est tous des noms, là, qu'on ne sait plus qui va gagner. Dans le temps de Nicklaus, là, on dirait que dans ce temps-là, il y avait moins de bons golfeurs autour. Ouais. Aujourd'hui, là, c'est... Ben, ça vient de l'Europe, hein, beaucoup de l'Europe, puis il y a beaucoup de meilleurs golfeurs du côté de l'Europe, là. Absolument, puis ces gars-là, ben écoute, ils réussissent. Ben, je n'oublie un de te mentionner, Rory McIlroy. Ouais. McIlroy qui a gagné la FedEx Cup et la petite bourse de 15 millions de dollars. C'est la plus grosse bourse jamais donnée. Puis imagine-toi qu'il a gagné, lui, là, McIlroy, puis ça... il n'en gagne pas énormément de tournois, mais il est toujours là. Tu regardes la liste des bons golfeurs, les longs cogneurs, les bons joueurs de golf, McIlroy toujours parmi les grands, puis il a gagné à FedEx Cup cette année. Alors, tu t'imagines qu'encore à partir du mois de janvier, quand ça va recommencer tranquillement, pas vite, pour se rendre jusqu'au mois d'avril au Masters, ben là, qui va gagner? Il se fait des paris à tous les semaines, puis tout le monde se trompe. Le British Open, maintenant, c'était le Shane Lowry qui a remporté la victoire. Oui, Shane Lowry, Danny, c'est un gars qui est un bon golfeur, mais c'est pas un gars qui est parmi les plus grands. Ouais. C'est pour ça que je te disais il y a quelques minutes que quand tu arrives avec des tournois aujourd'hui, tout le monde peut gagner. Tout le monde frappe la balle à 300, 325 verges. Mais c'est pas là que ça se gagne. Ça se gagne sur les potes, comme on a toujours dit, ou les approches. Parce que ces gars-là là, sont tellement bons. Là. À un moment donné, tu regardes ça, tu dis comment? Il y a des par quatre, des fois, de 500 verges, puis ils rentrent sur le deuxième coup avec un fer. Mais tu dis, ça se peut pas. C'est sûr que ça a changé avec le temps. Les balles sont meilleures, les équipements sont meilleurs. Mais les gars sont meilleurs aussi. Ça commence jeune, puis ça... ils ont des professeurs, puis ils pratiquent. Puis c'est phénoménal de voir ces gars-là travailler. Alors, Shane Lowry gagne le British Open. Tiger gagne le Masters. Ouais. Et là, on s'en va au PGA, au championnat du PGA, puis c'est Bruce Koepka qui a remporté la victoire. Ben oui, c'est Koepka qui a remporté le championnat de la PGA, qui était avancé cette année, parce qu'avant, c'était toujours le dernier tournoi, puis là, il y a eu lieu au mois de mai, juste après le Masters. Ouais. Alors, tu vois que ça change, puis la FedEx Cup, c'est que ça compte pour l'année au complet, puis comme on a dit tout à l'heure, 15 millions. Ouais. 15 millions pour une fin de semaine pour un tournoi, c'est sûr qu'il faut que tu sois bon, là. Comme c'est-tu de l'argent, c'est parce qu'ils sont capables de le faire. Mais, donc, ça fait pas mal le tour pour cette année. Comment tu prévois l'année 2020? Est-ce que tu penses que Tiger va être là? Est-ce qu'il y a un jeune qui pousse qui pourrait être bon? Comment tu vois ça? Ben de dire là aujourd'hui là pour que Tiger gagnera plus là, je pense que je serais mêlé puis le monde va dire non, il va en gagner d'autres. Ouais. Moi c'est ça je dis, il y a eu tellement de blessures au genou, opéré, au dos opéré, problèmes matrimoniaux, tout ce qu'il y a eu. À revenir si fort, il peut encore gagner. Maintenant, est-ce qu'il peut encore en gagner trois pour rejoindre Jack Nicklaus ou encore rejoindre Sam Snead ou des gars comme ça dans toute l'histoire, je le sais pas. Mais il est tellement proche de tout ça que maintenant, il n'y a rien d'impossible. Ouais. Serge, je te souhaite joyeuse fête, bonne année, puis au plaisir de se reparler en 2020. Ben, ça me fait énormément plaisir. Joyeuse fête à toi également, puis une bonne et heureuse année, puis bien du succès dans tout ce que tu entreprends, mon Danny. Merci beaucoup, Serge Cloutier, notre collaborateur de golf.